Bon, le jeune homme va être américain. Et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va être américaine? Non. Est-ce qu'elle va être norvégienne? Japonaise? Anglaise? Française? Française. Oui, c'est ça. La jeune fille va être française. Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Bon, le jeune homme va être américain. Le jeune homme va être américain. Et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle va être? Et la jeune fille? Et la jeune fille? Est-ce qu'elle va être américaine? Américaine? Américaine? Est-ce qu'elle va être américaine? Est-ce qu'elle va être américaine? Est-ce qu'elle va être norvégienne? Norvégienne? Norvégienne? Japonaise? Japonaise? Anglaise? Anglaise? Française? Française? Oui, c'est ça. La jeune fille va être française. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La jeune fille va être française. La jeune fille va être française. Et la jeune fille, est-ce qu'elle va être américaine? Non, la jeune fille va être française. Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Ça va être utile. Ça va être utile. Ça va être utile pour apprendre le français. Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Pourquoi est-ce que la jeune fille va être française? Parce que ça va être utile pour apprendre le français.